بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous avons certes envoyé Noé à son peuple. Avertis ton peuple avant que ne s'abatte sur lui un douloureux châtiment. Il dit : Ô mon peuple, je viens vous avertir en termes explicites. Adorez Dieu, craignez-le et obéissez-moi. Afin qu'il vous pardonne certains de vos péchés, vous accorde un répit jusqu'à un terme fixé. Certes, quand un terme fixé par Dieu arrive, rien ne le diffère, si seulement vous saviez. كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. Il dit : Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. Et chaque fois que je les ai invités, afin que tu puisses leur pardonner, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés dans leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés orgueilleux à l'extrême. Je les ai appelés à haute voix, puis je leur ai fait des proclamations publiques et je leur ai parlé en privé. Je leur ai dit : Implorez le pardon de votre Seigneur, car il est pardonneur par excellence. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes, il vous accordera des biens ainsi que de nombreux enfants, et il vous donnera des jardins et des ruisseaux. Qu'avez-vous donc à ne pas vénérer Dieu comme il se doit, alors qu'il vous a créé par phases successives ? ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Ne voyez-vous pas comment Dieu a créé sept cieux superposés et y a établi la lune comme lumière et le soleil comme flambeau? Dieu, de la terre, vous a fait croître comme des plantes Puis, il vous y fera retourner pour ensuite vous en faire ressurgir. Et Dieu a fait de la terre une vaste étendue pour vous, afin que vous puissiez y voyager par de vastes chemins. قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. Noé ajouta: Seigneur, ils m'ont désobéi, ils ont suivi celui dont les biens et les enfants n'ont fait qu'accroître sa perte. Ils ont ourdi un vaste complot. Ils ont dit: n'abandonnez pas vos divinités, Wad, Suwa, Yarut, Yaouk et Nasr. Ils en ont déjà égaré plusieurs. Ô Seigneur, ne fais croître les injustes qu'en égarement. À cause de leur faute, ils furent noyés, puis précipités dans le feu. Et ils ne trouvèrent en dehors de Dieu personne pour les secourir. وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Et Noé dit: Seigneur, ne laisse sur la terre aucun dénégateur. Si tu les laisses en vie, ils égareront tes serviteurs et n'engendreront que des ingrats dépravés. Seigneur, pardonne-nous à mes parents et à moi, ainsi qu'à celui qui entre dans ma demeure, tout en ayant la foi, et de même qu'aux croyants et aux croyantes, et ne fais croître les injustes qu'en perdition.